Eh bien voilà les amis, c'était Jules Goodbye. Allez, je vous propose qu'on passe à notre deuxième artiste, qui est Chronix. Shankin Sweet, c'est une chanson que je viens tout juste de découvrir et elle est juste énorme. J'adore, j'adore, j'adore. Et j'espère que vous allez adorer aussi car elle est juste superbe cette chanson, franchement. Oh, je l'adore, mais alors comme pas possible. Alors vraiment, c'est tout de suite Chronix. Let's go. Pressures of life and it tough. Now stay down, mama, time pick it up. Now bother with the down, full style, strictly up, full vibes. Now pick it up when the bills, them, the rent and the mortgage due. Yeah, yeah. When me chalice, when your best friends are gone and it's only you. Yeah, light up a split, turn up the music. Skanking sweet, everybody wanna feel like free. Forget your troubles and the brings everything together. So make we sing together. And who said life no hard? And every man got this struggle. I beg you to help me, Lord, and let me overcome my trouble. Skanking sweet, yeah. Everybody wanna feel like free. Forget your troubles and you rock with me. You know feel a reggae music sweet. Eh bien voilà, les Rastas, c'était Chronix. Allez, notre troisième artiste est Sanchez. Il va chanter Missing You. Vous allez voir, c'est juste une dinguerie. C'est parti, les amis. You, and every time you whisper my name, Voilà, Miroslav, c'était Sanchez Missing You. Allez, notre quatrième artiste est Puff Daddy. Il va chanter I'll Be Missing You. Vous allez voir, c'est une chanson que j'adore aussi. De base, je la connais plus en rap, parce que je l'écoute beaucoup en rap. Mais là, je l'ai découvert en reggae. Et franchement, je peux vous dire que c'est bien. Franchement, c'est bien. C'est un bon son. Vraiment, j'aime beaucoup. Donc, j'espère que vous allez aimer aussi. En ce dimanche soir, c'est parti. Let's go. Well, this is it. Me and my long side here. Me long side Tony Curtis. I'm about to produce this. Oh, na, na, na, na, na. Well, she came to me from inside. I'm a strong guy with my Nakia. All right. Me can't tell her something, baby. No. All right, right now. Every step I take. Every step I take. Now the king of me, I'll be the crown. Yeah, 20 of y'all living on me own. Yeah, I'm gonna lick me like a honeycomb. Yeah, as a king, you feel all your own throne. Sometimes I feel under all them y'all so mucky. Big time police, she a lock up everybody. She lock up all police, a barrier, Harry. Big jailbreak and she kidnap Larry. Me sorry, y'all are pretty much a character. But you look at me, in about 5 years, you can rally. Me here, she day up a ring, get fat and get heavy. And I mean, she wa, and me know me have the money card. Me, I wear the crown, yeah. When the girl living on me own, yeah. I'm gonna lick me like a honeycomb, yeah. As a dog, you feel your own bone. No girl no want to feel them, I said them want to help. I want a man with the horse, the car, the clothes and all the figure. Girl, them want a man to kick them like a Roman nigga. In a bed, don't think I am a violent fella. But see ya, Banky, yes, I am a the producer. No, this is to the style with the DJ a utter. Well, be the man a ARP, them a the singer. Well, Tony Curtis, come sing out, me brother. gone. My time, I am a girl's friend. I like bet, keep looking. You haven't seen anything yet. Who I am, my name is Beanie Man. The Skinny Man, I ain't no joker, I ain't no Batman. Always wanted, never daunted, once flaunted. Now I am flaunting, here from eternally until eternity. Selassie sent me, please don't resent me. You hear me what I'm rapping about and begging about. You see me coming, just jump and shout. Run along by the groupies, groupies, groupies, groupies. And even super doofies. Well, my lyrics the stuff, turn me and top. It's just enough to stand up its own like Al Capone in any zone. A.R.P. hold the mic and sing down, there we go. Tony Curtis in the place, we are rocking out. And if you feel so, your body can't get me out. Mr. Banky, the producer, you're shocking out. And everybody in the dance, then rocking out. I've been the man up on the rhythm, I'm rapping out. Talking out from nowhere, I'm not talking. Eh bien voilà, mes rastas, c'était Puff Daddy. I'd be missing you. Allez, notre cinquième artiste, c'est le roi du reggae. Eh oui, je parle bien de Bob Marley, ce grand artiste que tout le monde aime, que tout le monde adore, que tout le monde danse sur ses sons, un peu bizarrement, je dois l'avouer, mais que tout le monde adore. Et la chanson-là, c'est, je pense que c'est l'une de mes chansons préférées de Bob Marley, c'est Bad Boys. Je l'adore cette chanson, je trouve qu'elle gère à mort. Donc je vous la passe tout de suite sur Fat Jet, let's go. Bien voilà, mes rastas, c'est Bob Marley, Bad Boys. Allez, passons à notre prochain artiste qui est Daddy. La chanson est Last Night et vous allez voir, c'est une dinguerie. Vraiment, je kiffe à mort. C'est parti. Voilà, mes Rasta, c'était Last Night. Allez, passons à notre dernier artiste qui est Dana Kill et qui reprend une chanson d'une grande artiste que je n'ai pas pu connaître car j'étais pas encore né, qui est Edith Piaf. Le titre de cette chanson est Non, je ne regrette rien. Non, rien. Rien du tout, je regrette rien. Et c'est la chanson que Dana Kill a repris et vous allez voir, franchement, il l'a super bien repris. Franchement, c'est parce que même si j'ai pas connu Edith Piaf, forcément j'ai déjà écouté Edith Piaf comme tout le monde. Et je dois avouer quand même qu'elle avait une sacrée voix, cette dame. Vraiment, tout mon respect, hein, clairement, vraiment très très belle voix. Et franchement, une grande artiste. Hein. Et Danakil l'a super bien repris. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous faire partager, car vraiment, c'est fabuleux. Vraiment. What I say, this is an international connection for the sounds of Danakil. And my car, public musical singer, now that he was on phone to say, yeah. No regrets at all, baby. We have no fear, cause we're right on here. I will be there. Tell him what you got to say, Danakil. Et bien voilà, mes Rasta, cette émission est déjà finie. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de faire de mon mieux pour la reprise, pour la nouvelle année, vraiment. Et j'espère que ça vous a vraiment plu. Moi, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée à toutes et à tous. Une bonne semaine à tous. On se retrouve dimanche prochain à 21h sur Fadjet. Salut tout le monde. I give you my respect and you give me your respect, and that's life.